J'ai écrit une chanson sur Emily. Emily est la fille d'Alice. Des fois, on vadrouillait tous les trois. J'adorais quand on était tous les trois. Je pense que personne n'a compris cette chanson. Elle parle du père d'Emily absent ou pire, inconsistant. J'ai du mal à comprendre comment on peut se couper de ces gamins et plus précisément d'Emily. Emily, ce petit bout de femme, ce petit rayon de soleil, toujours en train de rire. Comment on peut lui faire ça à elle? Et puis, il y a eu ce moment. Nous étions tous les trois dans un supermarché. Alice avait une terrible migraine, elle avait la nausée, et avec Emily, on se demandait si elle n'allait pas vomir au détour d'un rayon. Pour nous, c'était amusant. Et d'un coup, Emily s'est tournée vers moi et m'a demandé « Ça va, Laurent ?» Cette question m'a terriblement surpris et ému. J'existais enfin. Enfin, quelqu'un s'intéressait à moi, et peut-être même s'inquiétait pour moi. À vrai dire, ça n'allait vraiment pas. Tout foutait le camp. Comme de l'eau dans les mains qu'on essaie de retenir et qui s'enfuit malgré tout. J'ai souri à Emily en lui disant que tout allait très bien, et c'est vrai que ça va toujours bien quand Emily sourit.